De la chose faite à nos yeux, la chose concevoir, et si mon œil n'a puissance de voir, si quelque idole au devant ne s'oppose, que ne m'a fait celui qui tout compose, les yeux plus grands, afin de mieux pouvoir en leur grandeur, la grandeur recevoir du simulacre où la vie est enclose. De son bien, ou qui seul la fit, et qui seul vit combien de sa beauté divine est-toi l'idée, de sa beauté divine est-toi l'idée. Comme jaloux d'un bien si précieux, si à le monde, et m'aveugla les yeux pour de lui seul, seul être regardé. Lui seul, seul être heureux.